Pendant la classique de volleyball Janie Larouche Family Prix de Normandin, votre magasin IGA Denis Cloutier de Normandin vous offre des spéciaux imbattables. Cette semaine, le café Maxwell House à 5,99$, le melon d'eau à 3,99$, le beurre de marque Compliment à 3,33$. IGA Denis Cloutier, 1130 Saint-Cyril Normandin, 418-274-2009. Toute notre équipe souhaite un franc succès aux équipes qui participent à la classique de volleyball Janie Larouche Family Prix à la Chute à l'Ours et remercie les organisateurs qui se donnent corps et âme pour en faire un événement majeur pour Normandin. On va parler de hockey. On va commencer à parler pas mal de hockey. Évidemment, les camps d'entraînement s'ouvrent pour plusieurs équipes et les Saguenay se s'ouvrent cette semaine, les élites également. Mais ici, dans le haut du lac, il y a les Aigles de Roberval, la première édition des Aigles de Roberval. Tant Benjamin, tant que Cadet, également en deuxième division. C'est Simon Godreau qui est en charge du programme. On lui parle. Salut Simon. Salut Daniel, ça va bien? Passez un bel été, il fait chaud, il fait beau, fait que c'est excellent. Simon, première année, là on s'est parlé quand les programmes et les équipes ont été annoncés. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Dans le fond, on avait beaucoup de pain sur la planche. Là. On a rencontré beaucoup tous les joueurs à la fin des camps d'entraînement. On avait beaucoup de beaucoup de choses à mettre en place également, là, point de vue conseiller pédagogique, rencontrer nos professeurs à l'école, faire nos commandes de matériel, tu sais, on est tout à bâtir, hein, fait que dans le fond, on avait tous nos chandails, les chandails de pratique, rencontrer, dans le fond, là, on a fait nos entrevues également d'entraîneurs qu'on va annoncer dimanche, là, lors de la rencontre de parents, on a très hâte de vous les présenter. Donc, c'est tout faire des rencontres avec tout ce beau monde-là pour se mettre tous sur la même page pour que, dans le fond, on soit une uniformité, que tout le monde travaille dans le même sens, puis que tout le monde, dans le fond, se plaît dans ce qu'ils vont faire comme tâche au sein des Aigles. Est-ce que tu as eu beaucoup de CV concernant les entraîneurs? Ouais, on a eu quand même beaucoup de CV. On a eu plusieurs CV intéressants. On a pris le temps de rencontrer les gens. Puis on a eu des très belles rencontres avec ces personnes-là. C'était très positif. Est-ce qu'ils postulaient pour les postes ou c'est toi qui les as partagés? Je m'explique, vous aviez trois équipes, donc vous avez trois entraîneurs à trouver. Est-ce que c'était trois postes, les candidats postulaient pour le poste, exemple, de cadet ou juvénile division 1, ben ils postulaient pour les trois postes, puis si c'est vous qui avez décidé par la suite de leur offrir le poste? Quel poste? Exactement, dans le fond, là, c'est une bonne question. Les gens appliquaient pour travailler avec les Aigles. Il n'y avait pas nécessairement d'équipe. On avait ouvert autant les postes d'entraîneur-chef qu'entraîneur adjoint. On voulait se garder une marge. Puis suite, dans le fond, aux discussions lors des entrevues, on était capable de caser un petit peu plus les gens. Est-ce qu'ils étaient plus à l'aise avec quel type de clientèle? C'est plus des jeunes, mais avec les plus vieux. Est-ce qu'ils étaient plus à l'aise comme adjoint? Plus en chef. Nous autres, c'était de faire la part des choses avec les gens qu'on avait déjà en place avec nous, puis essayer de faire le meilleur organigramme possible pour le développement de nos joueurs. Qu'est-ce qui va être le mieux pour nos jeunes sur le long terme? Okay. C'est vraiment là-dessus qu'on s'est basé pour évaluer nos sélections. Est-ce que les adjoints, maintenant, c'est l'entraîneur-chef qui va décider des adjoints? Non, dans le fond, là, c'est coulé. Okay. Tout le monde a été rencontré, donc c'est vraiment là, c'est d'un commun accord, tout le monde ensemble, en comité hockey, on a dit qu'est-ce qui était le mieux pour notre structure, puis on est allé dans ce sens-là. On va réévaluer après l'an 1, puis après ça on va voir, mais est-ce qu'on est mieux de progresser avec nos équipes, etc. C'est toutes des choses qu'on va évaluer, puis on va regarder ça après l'an 1, mais pour l'an après l'an 1, mais pour l'an 1, là, on se lance... de cette façon-là, comment okay. On a évalué. Dis-moi... On est très, très hâte de sauter sur la glace, là, je vous dirais, le dimanche, à Marseillache. Okay. À Roberval, là, on a un petit pépin de glace. Donc, on a de la misère avec la congélation. Donc, on doit déménager notre camp d'entraînement au complet, au centre, à Marseillache. Donc, la municipalité est très gentille là, de nous recevoir là, dans cette... Non, mais c'est drôle pareil, parce que c'est ça a tout été rénové l'an dernier. C'est quand même assez bizarre pareil. Oui, mais c'est surtout le fait que, tu sais, c'est tout de... Je suis pas dans la profondeur, je suis pas dans... OK. Pour moi, j'y fais la glace, mais ouais. Il y a beaucoup de nouvelles choses pour eux. C'est un nouveau système de réfrigération. Puis il y a un peu d'essai-erreur aussi là-dedans. Puis on se cachera pas qu'on a un été excessivement chaud. Ouais. Donc ça doit être quand même assez compliqué de garder garder ce froid là, surtout quand t'es à ton an 1 avec ta nouvelle machine, si on veut. OK. Les joueurs, parce que t'as eu comme un préquin au mois de juin, fin mai, début juin, t'avais des joueurs. Est-ce que ça cette même gang-là vont venir ou il y a eu d'autres invitations faites aussi après ton préquin? Ah ben, c'est sûr et certain qu'il y a des marges là, il y a des marges de manœuvre qui ont été faites. Après les camps d'entraînement, il y en a qui sont partis confirmés dans nos équipes. On a confirmé. Qui ont un pied dans la barque, comme on dit, là, s'ils travaillent fort cet été, ils vont faire partie de nos équipes. Puis on se garde une marge de manœuvre parce qu'on a des gens encore dans les camps au midget 3, on a des camps au cadet D1. On sait très bien que le midget 2B, il y en a peut-être qui auraient fait des téléphones à certains de nos joueurs également. Ouais. On veut travailler ensemble, on veut se garder une marge de manœuvre. T'sais. Si je book une équipe puis j'ai 3-4 cancellations, à ce jour, ça va être plus difficile d'avoir une équipe sur la glace. Donc, on voulait se garder une marge d'erreur, puis on veut voir les gars qui sont coupés ailleurs. Tu sais, ils ont quand même une chance de jouer dans une équipe là, de calibre provincial dans le secteur. Fait que pour nous, ouais, c'est important. OK. Dis-moi, Simon, si on du coup, comment tu t'attends de joueur? Au camp, tu parles? Ouais. Il y a des invitations qui ont été envoyées, j'imagine, mais ça, c'est, il y a toujours des invitations envoyées et puis venir, c'est autre chose. Hein. Mais il y a combien d'invitations qui ont été envoyées? Ben, tu sais, c'est les mêmes personnes qui étaient les jours précaires. Donc, on était quasiment 80 plus quelques couples qui vont se rajouter. Grosso modo, là, on va être à peu près 80, je dirais, là, dans toutes les équipes. Là. Ah, c'est bon. C'est parti. OK. Dis-moi, est-ce qu'il y a des matchs au concours d'organiser avec une autre école? Ah oui, ben oui. Dans le fond, je ne vais pas mêler de date, le jeudi, le 23 ou le 24. OK. On joue en Benjamin. Premier match hors concours à Chicoutimi. OK. Ensuite de ça, au cadet juvénile, je joue le samedi 25 au foyer des loisirs. Contre le bleu et or de la polyvalente d'Arvida. Okay. Et le lendemain, les trois équipes vont être en action à Robertval ou à Mastaillache. Là, à date, c'est à Mastaillache, à moins d'un changement majeur. On joue là, à 11h, midi et demi, puis 2h, un en arrière de l'autre, là, Benjamin Cadet Juvénile. OK. Souvent, ces ligues de hockey-là scolaires, il y a des showcases. Est-ce que ça va marcher comme ça, le calendrier, ou encore ça va... c'est vraiment un calendrier de match? C'est un calendrier de match, sauf pour notre cadet. Ben, c'est pas nécessairement des showcases. Là, okay. Ils appellent ça des challenges. Ouais. Un peu comme le milieu 3 fond. C'est un challenge où toute la ligue est regroupée. Ils sont tous ensemble là, lors d'un tournoi. Parce que, tu sais, dans la saison régulière, on va jouer seulement contre notre division pour éviter les transports, les longs transports, etc. Mais lors du challenge, toutes les équipes vont être là. Puis là, c'est on va affronter là, deux matchs qui comptent pour notre saison dans le tournoi. Même principe que sur le milieu 3. C'est même Même chose. Okay. Ça va être pour notre équipe Benjamin Division 1, mais en cadet et en juvénile Division 2, pour la première année, il n'y aura pas de challenge ou showcase. OK. Donc, ça va vraiment être dans les tournois qu'on va. OK. Puis le premier match, c'est quand? Parce que là, le calendrier a dû être sorti là, durant l'été. Le premier match, c'est contre qui et quand? Le premier match de l'histoire, ça va être le juvénile qui va le jouer. Si je ne me trompe pas, c'est vendredi le 22 ou le 23 septembre contre Samuel de Champlain à Robertval. Ça va être une équipe là, de Québec qui va venir affronter là, nos juvéniles. Et le lendemain, là, les autres, là, nos Benjamins, le samedi, vont recevoir Québec dans leur premier match historique. Puis les cadets, eux, et le juvénile vont jouer au programme 2 à Arvida le lendemain, le samedi. OK. Est-ce que, parce que sur ça, on s'en avait parlé quand le programme a ouvert, quand c'était annoncé, je t'avais demandé, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait des matchs soit à Dolbeau ou à Saint-Félicien, à Dolbeau, Cessny ou à Saint-Félicien. Est-ce que ça, il y a eu, pour la première année, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir au moins un match? Ben, on l'espère, puis on travaille là-dessus. La seule complicité qu'on a eue, c'est quand on est parti faire les calendriers, on n'avait pas les plages horaires des arénas comme Dolbeau, Normandin ou Saint-Lucien. Donc là, on est pris avec un calendrier qui est canné, puis on doit faire avec pour, exemple, booker une game ailleurs sur notre territoire. Okay. Donc, on est ouvert à ça, sauf que là, on va être là-dedans là, pour évaluer. Pour regarder où qu'on pourrait jouer, puis tout ça. Mais on va déjà jouer des matchs qui sont prévus à Marseillache. C'est-à-dire qu'on ne joue pas nécessairement à Robertval, puis on va regarder pour le secteur Lac-Saint-Jean-Nord, puis secteur Saint-Félicien. OK. Ben Simon, on va te souhaiter la meilleure des chances. Évidemment, on aura une chronique à toutes les semaines à partir de cet automne pour que tu vas nous faire un peu le compte-rendu des matchs dans les trois équipes. Sauf qu'on se reparle la semaine prochaine pour la nomination de l'entraîneur. Super, merci. Voilà, donc Simon Gaudreau qui est du programme des Aigles d'Orbert.